Bonjour et bienvenue sur le podcast de Madame Berman. Aujourd'hui, nous allons apprendre à exprimer nos préférences. Today we are going to learn how to express our preferences when it comes to things or when it comes to doing things. So for example, if we have items such as la vanille, vanilla, le chocolat, chocolate, le thé à la menthe, mint tea, or la glace au citron, how do you feel about any of these four items? This is what I would say. J'adore la glace au chocolat. J'aime bien la glace à la vanille. J'aime beaucoup le sorbet au citron. Je préfère le thé à la menthe. Et toi, tu préfères la glace à la vanille ou la glace au chocolat? Moi, je préfère la glace au chocolat. Tu préfères le sorbet au citron ou la glace à la vanille? Moi, je préfère le sorbet au citron. Tu adores le thé à la menthe? Ou tu détestes le thé à la menthe? Moi, j'adore le thé à la menthe. You might also want to find out how your partner does when he, or what he feels like when he does certain activities. For example, tu aimes skier? Do you like to ski? Oui, j'aime beaucoup skier. J'adore skier. Tu adores regarder la télévision? Oui, j'adore regarder la télévision. Tu aimes écouter la radio? Oui, j'aime beaucoup écouter la radio. Now, how about you ask your partner some questions? Here are a few to get you started. Tu aimes danser? Tu détestes voyager? The answer to number one would be, j'adore danser. The answer to number two would be, j'adore voyager. Now, if you hate both, you're going to say, je déteste voyager et je déteste nager. I'm going to leave you today with five open questions and hope you will be able to answer them all. Tu adores travailler? Tu préfères regarder la télévision ou écouter la radio? Tu aimes bien étudier le français? Tu adores manger? And my last one for today. Tu adores parler français? Of course, I couldn't end the podcast without answering that one. And that one would be, mais bien sûr, j'adore parler le français. Travaillez bien et à demain. Work well and I'll talk to you tomorrow. Au revoir.